bloque ce que je vis, bloque ce que je vois, bloque ce que je dis, bloque ce que je bois, bloque ce que j'écris, bloque ce que je bois, bloque ce que je suis, bleu blanc, bloque ce qui me côtoie. Poser le temps, les fils, les thunes se font au coin des rues, ça dit. Un verre se casse, une âme se crève, une plaie sans se vide. Foxtrot, uniforme, Charlie, kilo. Pote, pute, barman, phare, giro. Pirouette, tire sur le mec, brrr, ta pleure sur perte d'un ancien iso. Couille, bouge, peu, mais les glottes s'agitent. 12 coups de feu, une clope, je m'abrite. Silhouette, sombre d'autre mec, attends moi, puis mon nègre flambe, perte d'un ancien iso. Sur un jour, je suis black, mais j'ai la main propre, la preuve, elles ont blanchi. Blague, raciste, je prends mal, moins d'un siècle, les miens sont affranchis. Non, au secours, je ne le dirai jamais. Grosse pute, te le dire, il fallait. Tiens ta langue, il va de ton palais. Tête brûlée, les balances m'ont trop cramé. Jack, ce que je bois, braque quand on me doit. Un, deux, troisième et le doigt. Et plus fort que la vie, je suis comme toi. Je m'habitue pas comme dire bonne fête et père Adolpha. Damso, blague ce que je vis, blague ce que je vois, blague ce que je dis, blague ce que je bois, blague ce que j'écris. Blague ce que je bois, blague ce que je suis, beurre blanc, blague ce qui me côtoie. Poser le temps, les fils, les thunes se font au coin des rues, ça dit. Un verre se casse, une âme se crève, une plaie. Expression faciale étendue, loin du vrai, proche du vrai semblable. Je parle sans retenir comme de près, je parle fréquentable. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, meurdeur que l'on soit ailleurs, en enfer ou ailleurs. Où que je sois, je serai jamais des leurs. Trop souvent dans un personnage, je le vois, mais je m'ouvre pas. Momifié dans un sarcophage, on m'impose mon double. Des milliards de neurones, à quoi servent-ils si je connais pas l'histoire de mon double? Instable, versatile, son champ de bataille, toujours pas vu de blé. De vrai, je vois un psychiatre de psychose, drôle de psychisme. Seul tout dans l'habitacle, les yeux repos du mysticisme. Putain, des merdes, mecs, on me parle pas. Non, je suis chelou, hostile. Folie, folie, jeune défi. Blague ce que je vis, blague ce que je vois, blague ce que je dis, blague ce que je bois, blague ce que j'écris, blague ce que je bois, blague ce que je suis, beurre blanc, blague ce qui me côtoie. Poser le temps, les fils, les thunes se font au coin des rues, ça dit.